Le camarade Kim Jong-un a reçu le 18 courant le message de félicitations du président syrien Bachar al-Assad à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le destinataire lui a formulé les félicitations les plus sincères et chaleureuses au nom du peuple et du sien, ainsi qu'au peuple coréen amical. Il a indiqué que grâce aux efforts communs des directions des deux pays, les rapports d'amitié et de coopération bilatéraux ont développé de façon très satisfaisante depuis l'établissement des relations diplomatiques officielles. Il s'est montré convaincu du développement continu des liens d'amitié historiques qui existent entre les deux pays, conformément aux principes de coopération et de solidarité entre les pays, privilégiant le respect mutuel, l'égalité et les intérêts de toute l'humanité.